Ceci est une lecture pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence BY attribution NC pas d'utilisation commerciale ND pas de modification. Avertissement de l'auteur. L'œuvre présente sur le fichier que vous allez écouter est protégée par le droit d'auteur. Toute utilisation outrepassant l'usage à titre privé, notamment la commercialisation de quelque manière que ce soit, a fortiori la vente sans le consentement contractuel de l'auteur, constituera une violation des droits de l'écrivain et sera susceptible d'entraîner des poursuites légales. Serge Brussolot, La fille aux cheveux rouges, les rivages incertains. Note de l'auteur. Dans le roman qui suit, le lecteur assistera à la traque d'un vaisseau de ligne anglais par un sous-marin allemand. Il s'étonnera peut-être de la froide détermination avec laquelle ce navire chargé de civils sera torpillé. Il est donc utile de faire le point sur l'état d'esprit des belligérants à ce stade du conflit. Dans les premiers temps de la guerre sous-marine, les parties en présence essayèrent de définir une sorte de « gentleman's agreement » qui permettrait aux affrontements de conserver un semblant d'humanité. Il fut décidé, par exemple, que les paquebots ne seraient pas portés sur la liste des cibles potentielles. En cas d'attaque, le submersible se devait de respecter une procédure de coup de semonce, procédure qui permettait à l'équipage d'évacuer le bâtiment avant sa complète destruction. Comme il fallait s'y attendre, ces belles résolutions furent vite oubliées. De chaque côté, on assista à une surenchère d'agressivité assez peu en rapport avec l'esprit de la Convention de Genève. Ainsi, les commandements de navires de ligne se virent-ils vivement encouragés à éperonner les sous-marins qui croisaient leur route. La réplique ne se fit pas attendre. Par ailleurs, le jeu se trouva brouillé par les ruses des Alliés qui parfois utilisaient des cargos civils pour transporter du matériel militaire. C'est du moins ce que prétendaient les services de renseignement du Reich. Bref, très vite tous les coups devinrent permis, tous les excès également. Si certains commandants des U-boats continuèrent à se comporter avec humanité, il en fut d'autres qui se montrèrent impitoyables. Encore une fois, il importe de spécifier que tous les militaires de la Kriegsmarine n'appartenaient pas au parti nazi, et que beaucoup d'entre eux tentèrent d'exécuter leur devoir de marin dans l'honneur, en portant notamment secours à leurs adversaires malchanceux. Pour conclure, rappelons que les ordres de l'amirauté donnaient entière et complète liberté aux sous-marins allemands d'attaquer les paquebots dès lors qu'ils naviguaient en convoi. Cet ordre, fondamental, fut radicalisé en octobre 1939 quand les U-boats furent autorisés à attaquer les paquebots isolés s'ils avaient commis l'erreur de s'armer pour leur défense.